On y va. Ceinture noire de rap dès le premier rang t'es KO. Manu qui inflige la correction sans frapper dans le pao. Puis c'est le sommet KO total, 10 ans paralysé. T'as toujours pas réalisé, à moi tout seul j'ai encore traumatisé. Voici le manuscrit dans toute sa puissance. Depuis sa naissance, les mecs ne cessent d'être en convalescence. T'écoutes ce son chez toi ou dans ta turvoie, et soudain tu revois les images passer derrière toi. Une main posée sur le volant, je roule pépère tranquillement. Les images défilent comme le temps. Je passe les rapports mais jette le tableau de bord pour pas foncer dans le décor. Toujours à jeun à bord, d'accord. Puis j'arrive en ville, un noir dans une grosse caisse. Pour les flics, je suis la vermine. Donc oblige un petit contrôle de routine. Ça va manuquer, allez, tu peux repartir. Et puis je repars layback, posé comme aux assises. On veut stopper ma route par gourmandise. Mon téléphone sonne, j'ai des rendez-vous importants. Sûrement une rentrée d'argent. Quand il s'agit de business, j'arrive jamais en retard. Mon monde dans ma caisse, gros. On roule vers la fortune. On va quitter le bitume. Pour MK, fini l'amertume. Monte dans ma caisse, gros. On roule vers la fortune. On va quitter le bitume. Pour MK, fini l'amertume. Je continue ma route vers la fortune. Pour MK, fini l'amertume. Je côtoie des gens élégants. Mais où sont ces jeunes sur les bancs avec ces grands bâtiments? On me propose plein de choses. Je refuse la vie en rose. Car je viens d'une planète où rien n'est adapté à ma cause. Plus rien qui m'attire. Mais tout cet oseille, ça m'inspire. Je deviens rusé, intelligent comme Shakespeare. Un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Seul dans ma gauve grise. J'invite mes potes légales et monte des entreprises. Jeune artiste noir roulant sa bosse. Derrière mes vitres noires teintées, je vois plus de choses atroces. J'accélère car je me sens vive. De ce bonheur, je me sens ivre, personne peut me suivre. Écoute le bruit du moteur. Sommes-nous pas tous les moteurs du 9-4 comme secteur? Je roule trop vite, je me pousse à la faute. Ma roue crève, 3h du matin. Je me réveille en sursaut, j'ai dû faire un mauvais rêve. Manu, réveille-toi, c'est pas grave, t'as fait un mauvais rêve. Vas-y, viens dans mes bras, bébé, viens. Vas-y, monte dans ma caisse, gros. On roule vers la fortune. On va quitter le bitume. Pour MK, fini l'amertume. Pour MK, fini l'amertume. Monte dans ma caisse, gros. On roule vers la fortune. On va quitter le bitume. Pour MK, fini l'amertume. Monte dans ma caisse, gros. On roule vers la fortune. On va quitter le bitume. Pour MK, fini l'amertume. On roule vers la fortune. Pour MK, fini l'amertume.